بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. ثم أما بعد، C'est notre dixième assise et la dernière, inshallah, dans cette risala de son éminence, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha de Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. Yaqulu, ja'a fi, qala al-Doktor Ibrahim al-Ruhayli fi al-Safha al-Tamina wa al-Talatoun, wa in baghi al-Tanabbu huna li-hifzi aslayn azimayn, ahaduhum al-Tajarrudu lil-Haqq, والثاني حفظ مقام العلماء، وهذان الأصلان غير متعارضين عند أهل السنة، ولا يفرط في أحدهما على حساب الآخر. فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم التنبيه عليها، والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه، بل يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله سبحانه وتعالى. ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك حقيقة الأمر، وشواهد ذلك كثيرة من كلام العلماء. Et dans ce que nous cite Cheikh Rabi'i, Hafidhahullah Ta'ala, il cite des paroles du docteur Ibrahim al-Ruhayli à la page 38, où il dit, où le docteur Ibrahim al-Ruhayli dit, il faut faire attention au fait de préserver deux fondements, deux grands fondements et deux fondements importants. Le premier, c'est le fait de se dépouiller pour la vérité et de ne chercher que la vérité, de ne vouloir que la vérité. Le deuxième, c'est de préserver la place due aux hommes de science et leurs honneurs. Yaqul le Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, et ces deux fondements ne sont pas en contradiction chez les gens de la Sunna. Et on ne doit pas négliger l'un par rapport à l'autre. On ne doit pas négliger l'un au détriment de l'autre. Et il dit aussi, le fait d'aimer les hommes de science, de connaître leurs valeurs et leur place, cela ne veut pas dire qu'il faut se taire sur leurs erreurs et qu'il ne faut pas attirer l'intention sur leurs erreurs. Et le fait de se dépouiller, de ne chercher que la vérité, de vouloir la vérité, et le fait de chercher la vérité, de vouloir la vérité, d'attirer l'intention sur l'erreur de l'homme de science, cela ne veut pas dire qu'il faut le dénigrer ou il faut mal parler de lui. Mais on peut réunir les deux choses. Et les choses sont réunies si ce que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli. C'est-à-dire, ils reconnaissent. Ils cherchent la vérité et en même temps, ils reconnaissent la valeur et la place due à l'homme de science auquel qu'il attire sur son erreur. Yaqul wa man arafa tariqat al-ulama, et il dit, celui qui connaît la voie des hommes de science, dont le fait d'attirer l'attention sur les heures des uns et des autres sont diminuées de leur valeur, celui-là, il capte, il sait la réalité de cette situation, et ses témoignages sont nombreux dans la parole des hommes de science. Ça, c'est le passage que va analyser et critiquer Cheikh Rabi' maintenant. يقول الشيخ ربيع إن هذا الكلام الحق. الشيخ ربيع dit, ces paroles sont la vérité. يقول حفظه الله التجرد للحق وحفظ مقام العلماء ووجوب بيان أخطاء العلماء والتنبيه عليها، لأن كل ذلك من الأمور الواجبة المقررة في الإسلام، بل ذلك من الأمور المجمع عليها. الشيخ ربيع يقول le fait de se dépouiller pour la vérité, de chercher la vérité et de préserver la valeur et la place due aux hommes de science, ceci est obligatoire. Et le fait de montrer, d'attirer l'intention sur les erreurs des hommes de science, ceci fait passer aussi des choses obligatoires dans l'islam. Et c'est des choses sur lesquelles il y a l'unanimité des hommes de science. Ce sont des choses sur lesquelles il y a l'unanimité des hommes de science. يقول الشيخ ربيع لكن هناك خطر، وهو أن يدخل ويعد في العلماء الذين يجب احترامهم وحفظ مقاماتهم من ليس منهم، وأن يخرج منهم من يجب أن يعرف له قدره إلى آخره. الشيخ ربيع de nous dire, mais il y a un danger qui est le fait de rentrer et de compter parmi les hommes de science ceux qui ne sont pas. De compter parmi les hommes de science qu'on doit respecter d'autres qui n'en sont pas. Et qu'on sorte de l'ensemble des hommes de science ceux qu'on doit connaître et à qui on doit connaître la valeur et vers qui on doit avoir de l'estime. Donc il attire notre attention sur le fait de ne pas faire l'amalgame, de ne pas tomber dans l'erreur du fait de rentrer dans les hommes de science ceux qui ne le méritent pas et ceux qui n'en sont pas, et aussi de sortir de l'ensemble des hommes de science ceux à qui on doit avoir de, vis-à-vis à ceux vis-à-vis duquel on doit avoir de l'estime et préserver leur honneur et ainsi de suite. يقول وهذا ما يجري الآن على أيدي كثير من الناس مع الأسف الشديد وينزلون هذا الصنف الرذيء فوق منازلهم بمراحل رغم ما عندهم من البغي والعدوان على أهل السنة وأصولهم ومناهجهم ورغم ما عندهم من إسقاط علماء السنة الذين يجب احترامهم وحفظ مكانتهم. يلجي حفظه الله تعالى ici ce qui arrive maintenant par beaucoup de personnes avec grand regret. Ils mettent en valeur ceux qu'ils ne doivent pas mettre en valeur. Ils les élèvent au-dessus de leur place. Alors qu'ils sont injustes, que ceux-là qui mettent en valeur sont injustes. Ils ont la haine contre les gens de la Sunna et contre les fondements et les voies des gens de la Sunna. Et malgré tout ça, et avec tout ça, ils essayent de faire tomber les hommes de science. Ils font tomber les gens des hommes de science qu'on doit respecter, auxquels on doit préserver les honneurs et la place. يقول ورغم ما عنده من الدفاع عن الضلالات الكبرى بالأباطل وقلب الحقائق والخيانات. Il dit, et avec tout ça, on les élève alors qu'ils défendent des gens de l'égarement, des grands égarements et des gens du faux. Ils tournent les situations, ils renversent les situations, et ils ont beaucoup de trahisons. يقول ورغم ما عندهم من تأصيلات لأصول باطلة لإكرام أهل الضلال وإجدال الستار على ضلالتهم. Il dit avec ça, ce qu'on élève maintenant qu'on ne doit pas élever, ils ont beaucoup de règles, ils fondent beaucoup de règles et innovent beaucoup de règles qui sont fausses pour tout simplement ces règles. Et ils les créent tout simplement pour honorer les gens de l'égarement et pour tirer le rideau sur leurs égarements. يقول وهذا ما يجري الآن بقوة على أيدي كثير من يدعي السنة مع الأسف فينطبق على أعمال هؤلاء المكرمين المكرمين لهذا الصنف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الحديث ساقه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. Et Cheikh Rabi a attiré notre attention. Il dit, ce qu'il vient de dire maintenant, c'est ce qui arrive maintenant avec force. C'est ce qui se fait maintenant avec une grande force par des gens qui prétendent être la Sunna, malheureusement. Par des gens qui prétendent être des salafis. C'est ce qu'ils font. Ils font triompher les gens du faux. Ils les mettent en avant. Et ils mettent en avant ceux qui instaurent des fausses règles, etc. Et il dit, ceux qui honorent ce genre de personnage et cette catégorie, qui fait triompher le faux et les gens du faux, ceux-là vont de pair avec la parole du messager, alayhi salatu wassalam, qui est rapportée dans la chaîne des authentiques du Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrivera des années qui vont être traîtres. C'est-à-dire, c'est pas les années qui sont traîtres, mais tout simplement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va prendre comme véridique le menteur. Et on prendra comme véridique, on prendra comme menteur le véridique. Et l'inverse. Et on va faire confiance au traître. Et on va dire de celui qui est digne de confiance qu'il est traître. Et va parler l'insensé, Rouaïbida. Et on a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi Rouaïbida? Il a dit l'insensé qui parle sur les situations générales et sur les situations qui concernent toute une communauté et qui concernent le général. Et nous sommes à Allah, dit Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, et nous revenons vers Allah. يقول الشيخ ربيع أين هؤلاء من مواقف أهل السنة؟ Il dit où sont ces gens-là des positions des gens de la Sunna. قال الإمام أبو داود رحمه الله: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. Et regarde, et maintenant, Cheikh Rabbi, il nous cite les paroles qui sont les positions de nos pieux prédécesseurs, Redouanullah alayhim. Il dit, où sont ces gens-là qui agissent ainsi, des gens de la Sunna? Et il dit, l'imam Abu Daoud a dit, j'ai posé la question à l'imam Ahmed Abi Abdillah, je lui dis, je vois un homme parmi les gens de la Sunna, avec un autre homme de l'innovation. Je le délaisse, je lui parle plus. Il lui a dit non. Ou tu lui apprends que cet homme avec lequel tu as vu, c'est un homme de l'innovation. S'il délaisse sa parole, continue à entretenir, à lui parler. Mais sinon, hein, tu le considères comme l'innovateur. Hein, sinon, tu le rajoutes à cet innovateur avec qui il est. Al-Hikoubé. C'est-à-dire, il est comme lui. Ça, c'est la position de nos pieux prédécesseurs, radouallah alayhim. Wa qala l'imam ibn Battah, rahimahullah, wa la tushawir ahadan min ahli al-bid'a fi dinik, wa la turafiqhu fi safarik, wa in amkana an la tuqaribhu fi jiwarik. Et il dit, hamidallahu ta'ala, l'imam ibn Battah, rahimahullah, dans l'Ibana, il dit, et ne demande pas un avis, ne va pas te concerter avec quelqu'un de la bid'a pour ta religion. Et il ne faut pas qu'il soit ton compagnon en voyage. Et si tu peux ne pas être son voisin dans la demeure, ne sois pas son voisin, éloigne-toi de lui. يقول ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا مما ذكرناه وهجرانه والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة الإبانة لابن بطة. Et les paroles sont toujours Ibn Battah, il dit, il fait partie de la Sunna de s'éloigner de tous ceux qui ont ces croyances que nous avons citées, c'est-à-dire des fausses croyances, et de les mettre à la quarantaine et de les détester. Et de s'éloigner de tous ceux qui s'allient à eux et qui les font triompher et qui les défendent. Même si celui qui agit ainsi fait apparaître la sunna. T'as vu un petit peu la position de l'imam ibn Battah rahimahullah. يقول الشيخ ربيع انظر الى كلام هذا الامام ومنه قوله وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه وان كان الفاعل لذلك يظهر السنه. Et voyez, Cheikh Rabi' d'attirer notre attention sur ce passage, il dit, regarde la parole de cet imam, c'est-à-dire de l'imam Ibn Battah. Il dit, fait partie de cette parole qu'il faut délaisser celui qui s'allie à celui qui est dans l'innovation, et qu'il fait triompher, et qu'il le défend, et qu'il accompagne, même si celui qui agit ainsi fait apparaître la sunna, il faut le mettre de côté. T'as vu un petit peu la position de tes pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum? يقول الشيخ ربيع واعتبر به وقارن بين ما يجري في هذا الزمن من بعد كثير من المنتسبين للسنة عن هذا المنهج بل من محاربة لمن يقترب من هذا المنهج ورامهم بالتشدد والغلو. Il dit, il prend la leçon de ça, il prend en considération ce que tu viens d'entendre et fait l'analogie avec ce qui se passe à notre époque. Combien de gens sont loin parmi ceux qui se disent de la sunna sont loin de cette voie et de ces positions des pieux prédécesseurs d'Allah. Fait partie des gens de la sunna, ceux qui combattent les gens qui vont se rapprocher des positions comme celles de l'imam Ahmad, de l'imam Ibn Battah et ainsi de suite. Et ils les dénigrent, ils disent d'eux que ce sont des extrémistes et que ce sont des sévères et qu'ils sont allés à l'extrême. يقول الشيخ ربيع حفظه الله فهذا الصنف المشار إليه المنزل فوق منزلته بدل أن يحذر من أهل البدع ويعاملهم بما ذكر هذا الإمام أنه من السنة سلكوا طريقا أو طرقا أخرى من موالاة أهل البدع والدب عنهم ومحاربة أهل السنة السالكين في معاملة أهل البدع مسلك السلف الصالح. Il dit, cette catégorie vers laquelle j'attire l'attention, qu'on a mis au-dessus de sa place, c'est une catégorie au lieu de combattre les gens de l'innovation et d'être avec eux et de se comporter avec eux comme l'ont dit les imams de la sunna, ils ont pris un autre chemin, d'autres chemins pour s'allier, hein, aux gens de l'innovation et pour les défendre et pour combattre les gens de la Sunna qui ont pris cette voie dans leur rapport avec les gens de l'innovation, qui ont pris la voie de leurs pieux prédécesseurs dans leur rapport et dans leur comportement et dans leur agissement vis-à-vis des gens de l'innovation. يقول الشيخ ربيع ألا يحق للمسلم أن يحكم على هؤلاء الدابين عن أهل البدع بل والمؤصلين للدب عنهم ولحرب أهل السنة ووصولهم بما يستحقونه من الأحكام العادلة. الشيخ ربيع de nous dire, n'est-il pas du devoir du musulman de juger comme il se doit et de donner la sentence qu'il mérite ceux qui défendent les gens de l'innovation. Et en plus de ça, ils instaurent des règles pour défendre les gens de l'innovation et pour combattre les gens de la sunna et combattre les fondements des gens de la sunna. N'est-il pas du devoir du musulman de émettre des sentences qui conviennent à ces défenseurs de l'innovation et des gens de l'innovation ? وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يدب عن أهل وحدة الوجود أو يثني عليهم أو يتأول لهم ويعتذر لهم. Et شيخ الإسلام dans ce que nous cite شيخ ربيع ici dit concernant ceux qui défendent les gens qui voient l'unicité de l'existence, qui défendent les gens qui voient l'unicité de l'existence, ou ceux qui font leur éloge, ou qui cherchent des excuses pour eux, il dit le Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, « وَيَجِبُ عُقُوبَةُ كُلُّ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهِمْ أَوْ دَبَّ عَنْهُمْ أَوْ أَتْنَى عَلَيْهِمْ أَوْ عَظَّمَ كُتُبَهُمْ أَوْ عُرِفَ بِمُسَاعَدَتِهِمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ أَوْ كَرِهَ الْكَلَامَ فِيهِمْ أَوْ أَخَذَ يَعْتَذِرُ لَهُمْ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ أَوْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ صَنَّفَ هَذَا الْكِتَابَ وَأَمْثَالَ هَذِهِ الْمَعَاذِيرِ الَّتِي لَا يَقُولُهَا إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُنَافِقٌ بَلْ تَجِبُ عُقُوبَةُ كُلَّ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمْ وَلَمْ يُعَاوِنْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْقِيَامَ عَلَى هَؤُلَاءِ من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. Et Cheikh l'Islam de dire dans ce passage que nous cite Cheikh Rabi حفظه الله تعالى, il est obligatoire de punir tous ceux qui s'attribuent à eux, s'ils s'attribuent aux gens qui disent l'unicité de l'existence, ou qui les défendent, ou qui font leurs éloges, ou qu'ils donnent l'importance à leurs livres, ou qui est connu du fait de les aider, ou qui est connu du fait de détester de parler sur eux, ou qui leur cherchent des excuses. Et qui leur cherche des excuses en disant, au rapport en disant du truc, mais ils ont écrit ces livres, ou ce genre d'excuses. Ce genre d'excuses que nous dira qu'un ignorant, comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ou un hypocrite. Il est obligatoire de châtier tous ceux qui connaissent leur situation et qui ne cèdent pas, qui ne s'entraident pas au fait de s'élever contre eux. Et qui n'aident pas au fait de les combattre. Car le fait de s'élever contre ces gens-là est l'une des grandes obligations. Car ils détruisent les raisons et les religions des gens. Et ils détruisent les raisons des hommes de science, des machaïrs, ainsi que des rois et des princes. Ils propagent sur la terre le mal et ils détournent de la voie d'Allah. يقول شيخ الإسلام فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطريق وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم ولا يستهين بهم من لم يعرفهم فضلا فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصفهم أشبه الناس بالقرامطة الباطنية. Il dit leur mal dans la religion est énorme, il est plus que le mal de ceux qui vont faire du mal à la dunya des musulmans. Et qui vont délaisser leur religion. De leur mal, il atteint la religion. Comme les brigands de la route qui s'attaquent aux voyageurs, qui volent et qui pillent, etc. Et comme Tatar qui prenait l'argent des musulmans mais qui leur laissait leur religion. Il dit, celui qui ne le connaît pas ne doit pas prendre les choses à la légère. Le égarement et le fait qu'ils égarent les gens, il est très, très énorme pour qu'il soit décrit. Il dit, ces gens-là sont similaires aux karamit al-batiniya, a'oudou billah. يقول ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على المسلمين لأن من كان عاميا من شيعهم وأتباعهم فإنه لا يكون عارفا بحقيقة أمرهم. Il dit c'est pour ça que ceux-là ils veulent l'état des Tatars et ils préfèrent, ils choisissent le fait qu'ils triomphent sur, que les Tatars triomphent sur les musulmans sauf ceux qui sont parmi leurs communs, parmi leurs disciples. Des communs, il ne sait pas la réalité de la situation. يقول ولهذا يقرون اليهود والنصارى على ما هم عليه ويجعلونهم على حق كما يجعلون عباد الأصنام على حق وكل واحدة من هذه من أعظم الكفر ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم. Et c'est pour ça que ces gens-là, de Wahdat al-Wujud, etc., ben, confirment les juifs et les chrétiens sur leur situation. Il faut qu'ils soient sur la vérité. Comme ils font avec les adorateurs du statut. Est-ce qu'ils sont sur la vérité? Et tout, et chacune de celles-ci est une des grandes mécréances. Et celui qui a des bonnes suspicions sur eux, et qui, il dit, il prétend qu'il ne connaît pas leur situation, il faut lui faire connaître leur situation. Et si il se sépare pas d'eux, il montre pas qu'il les blâme et qu'il se sépare d'eux, bah, on l'attribue à eux, et il est considéré étant avec eux. Et regarde ici, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala attire notre attention sur un fait. Hein, en bas de la page, il dit, comme le font aujourd'hui ceux qui prêchent la liberté des religions, la fraternité des religions, l'unicité des religions et leurs alliés, et ceux qui les défendent et qui défendent leur égarement parmi ceux qui prétendent la science. Il dit, il faut, hein, les attribuer à eux et les considérer comme eux, comme, hein, ils s'entendent de la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah dans le texte qu'il vient de citer. Ils vont arriver à être attribués à eux, comme, hein, le sous-entend la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ici. يقول الشيخ ربيع يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية les paroles sont toujours à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. وما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وإمتهم فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلام تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتكليل والاتحاد أبعد والله أعلم. مجموع الفتاوى مجلد الثاني صفحة 132-133. Et toujours les paroles d'Ibn Taymiyyah rahmatullah, il dit concernant ceux, hein, qui cherchent des excuses à ceux qui voient l'unicité de l'existence. Il dit, quant à ceux que la parole de ceux qui voient l'unicité de l'existence, il lui donne une signification, une définition qui est compatible avec et qui va de pair avec la législation. Il dit cela, il fait partie de leur tête. Il fait partie de leur tête. Il fait partie de leurs imams. S'il est intelligent, il faut lui montrer. Il faut lui faire savoir comment il se ment à lui-même dans ce qu'il a dit. Et si il croit en ce qu'il a dit dans son fort intérieur et dans son apparence, ben il est, dans sa mécréance, il est pire que les chrétiens. Car celui qui n'auront pas mécréant ceux-là, et il a fait que leurs paroles, il a une bonne interprétation qui correspond à la législation, il est loin de la trinité des chrétiens et loin de l'ittihad, de ceux qui disent que l'unicité de l'existence, il est très loin. Et sauf Allah sait, et ici s'arrêtent les paroles d'Ibn Taymiyyah au tome 2 de la page 132 à 133. Yaqul Cheikh Rabi' pour nous faire comprendre ce passage. يقول انظر كيف يحكم شيخ الإسلام على من يثني على أهل الوحدة الوجود أو يدب عنهم ويكره الكلام فيهم أو يرى أن لكلامهم تأويلا كيف يحكم على أولئك إما بالنفاق وإما بالجهل وكيف يجعل شيخ الإسلام القيام على أولئك من أعظم الواجبات الشيخ ربيع دو دير جودي regarde maintenant le jugement que donne شيخ الإسلام le témia à ceux qui font l'éloge des gens de l'unicité de l'existence ou ceux qui les défendent ou ceux qui détestent le fait de parler sur eux ou ceux qui donnent une fausse interprétation à leur position et à leurs paroles. Comment ils les jugent? Ils les jugent soit ce sont des hypocrites, soit c'est des ignorants. Et comment cher l'islam, il dit que le fait de s'élever contre cela fait partie des grandes obligations. يقول الشيخ ربيع ومن مصائب هذا الصنف الذين يحاربون أهل السنة أنهم يدافعون عن الدعاة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان إلى آخره. Il dit, et parmi les grandes, Cheikh Rabi' de nous dire, et parmi les grandes catastrophes de cette catégorie qui combat les gens de la Sunna, c'est qu'ils défendent les prêcheurs qui appellent vers l'unicité des religions et vers la fraternité des religions et vers la liberté des religions. Comme Adnan Al-Aur, et comme la défense qu'il a fait Ali Hassan à la Risala de Umman, dans laquelle il y a l'appel à la fraternité des religions, à l'unicité des religions. Il y a la liberté des religions. Réveille-toi, akhi l'islam. يقول ويحاربون أهل السنة لأنهم يقومون بنقد هؤلاء الدعاة إلى وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان إلى آخره ويقذفونهم بأفظع القذائف. Il dit, ils combattent les gens de la Sunna, car ceux-là qui agissent ainsi combattent les gens de la Sunna, parce que les gens de la Sunna accomplissent la critique contre ces prêcheurs vers l'unicité des religions, vers la liberté des religions et la fraternité des religions. Et ils dénigrent les hommes de science d'un grand dénigrement. بل وصل الأمر ببعضهم إلى التناعي على رسالة تتضمن وحدة الأديان وأخوة الأديان ومساواة الأديان وحرية الأديان إلى ضلالات كفرية أخرى ويرى أن هذه الرسالة تمثل وصلتية الإسلام. Et la situation est arrivée à un certain parmi eux, c'est clair, c'est Ali Hassan, de faire les éloges à une risale, à la risale d'Amman qui contient l'unicité des religions, la fraternité des religions, l'égalité des religions, la liberté des religions et d'autres grands égarements de la mécréance. Et il voit que cette risale-là, c'est la représentation juste du milieu de l'islam, du juste milieu de l'islam. يقول ويمجد من ألف هذه الرسالة شد التمجيد ويحارب هو وحزبه من ينتقد مضامن هذه الرسالة ويزيد الطين بلة بل التناء على من أيد هذه الرسالة من أصنافها للضلال من الروافض والعلمانيين وغلاة الصوفية ويصفهم بالثقات والأمناء ويرمي بالغلو من يستنكر هذه المنكرات فما هو حكم الإسلام في هؤلاء وما هو حكم علماء السنة والسلف الصالح في هؤلاء. En plus de ça, il fait l'éloge de celui qui a écrit cette risala. Il fait des grands éloges à celui qui a écrit cette risala. Et il combat lui, c'est-à-dire Ali Hassan et son parti, ceux qui critiquent le contenu de cette risala d'Amman. Il rajoute à la boue de l'eau en faisant les éloges à ceux qui ont fait triompher cette risala parmi les catégories de l'égarement comme Rawafid, comme les laïcs, comme les extrémistes de Sophia. Il les décrit comme quoi ce sont des dînes, ce sont des touqats, ce sont des dînes, ce sont des umana. Et il catalogue ceux qui critiquent les égarements qu'il y a dans cette risala, comme quoi ce sont des extrémistes. Maintenant, Cheikh Rabi' de nous dire c'est quoi la sentence de l'islam vis-à-vis de ceux qui agissent ainsi. Et c'est quoi les sentences des hommes de la sunna et des pieux prédécesseurs concernant des gens qui agissent ainsi. فيقول الشيخ ربيع لقد استنكر تبديعهم مع الأسف الشديد بعض من ينتسب إلى منهج السلف فإن هم وإن السلف ومنهجهم وصدعهم بالحق وقيامهم بالعدل في ذبهم عن الإسلام وعقائده وأصوله. Et الشيخ ربيع de dire malheureusement certains qui sont attribués à la voix des pieux prédécesseurs ont blâmé le fait de critiquer ces gens qui défendent ce genre d'énormité. Ont critiqué certains nombres de sciences ou certains qui comptent sur dans la salafia ont blâmé le fait de rendre innovateurs des gens comme Ali Hassan et comme les autres qui font les éloges à ces égarements. Où sont ceux-là, dit Cheikh Rabi', de la voix des pieux prédécesseurs? Et où sont ceux-là de la position, hein, de la déclaration de la vérité haut et fort de nos pieux prédécesseurs? Et comment les pieux prédécesseurs accomplissaient la justice? Et comment et où sont ceux-là dans la défense de l'islam et des croyances de l'islam et ses fondements? يقول الشيخ ربيع وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في الباعث الحتيت خلال كلامه عن الرواية عن أهل البدع وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارج مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم. إيه regarde maintenant comment ils étaient les pieux prédécesseurs. L'imam ibn Kathir رحمه الله il dit dans le Ba'ith al-Hatith, quand il a parlé du fait de prendre la transmission du hadith des gens de l'innovation, il dit voilà l'imam Bukhari, il a sorti un hadith dans son authentique de Imran ibn Hittan, le kharijite qui a fait l'éloge d'Abdurrahman ibn Muljil qui a assassiné Ali. Il dit ça, et celui-là qui a fait juste l'éloge d'Abdurrahman ibn Muljil est un grand da'i à l'innovation, wallahu a'lam. Regarde comment Ibn Kathir, il a décrit que celui-là qui a fait l'éloge de celui qui a tué Ali Ridwanullah alayh est un grand da'i à l'innovation. يقول الشيخ ربيع انظر الى هذا العالم الفحل كيف يعتبر مدح المبتدع من اكبر الدعوة الى البدعة فكيف إذا أضاف إلى المدح إلى الدفاع عن المبتدع وحارب من ينتقد بدعته فما أكثر هذه الأصناف حتى من أدعياء السلفية فإلى الله المشتكى. الشيخ ربيع دو دير regarde à ce noble homme de science, à cette montagne de science qui est Ibn Kathir, comment il a considéré le fait de faire l'éloge à un innovateur, c'est une grande dawa vers l'innovation. Et Cheikh Rabi' de poser la question, comment maintenant, s'il rajoute au fait de faire l'éloge à l'innovateur, de défendre l'innovateur et de combattre ceux qui critiquent cette innovation et cet innovateur? Et Cheikh Rabi' de nous dire combien cette catégorie existe maintenant parmi ceux qui prétendent la salafia. Et Cheikh il dit, nous nous plaignons à Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله حال شرحه لكتاب فضل الإسلام وذلك في شريط مسجل بهذا الاسم عمن يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمهم؟ فأجاب نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع لهم يدعو لهم هذا من دعاتهم نسأل الله العافية. إيه الشيخ ربيع دون غبوغتي il a dit, on a posé la question à l'imam Ibn Baz rahimahullah quand il faisait l'interprétation du livre Fadl Islam dans un audio qui est enregistré, maintenant le livre il existe dans lequel il y a certaines réponses, le livre il a été édité aussi, ce qui est contenu dans les cassettes a été édité maintenant, et on a posé la question à Cheikh al-Islam Ibn Baz rahmatullah alayh sur celui qui fait les éloges aux gens de l'innovation, est-ce qu'il prend la même sentence qu'eux? Écoute maintenant. Regarde, Ibn Baz rahimahullah, pour que tu vois que ceux qui se cachent derrière Ibn Baz ne sont pas des voix sur la même voie que Cheikh Ibn Baz. Il dit, certes, il n'y a aucun doute, celui qui fait leurs éloges et qui fait les éloges des gens de l'innovation, il appelle vers eux. Il appelle les gens vers eux en faisant ces éloges. Donc il appelle vers eux. Il est de leur du'at. Nasallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de leurs prêcheurs. Regarde combien la parole de Ibn Baz rahmatullah alayhi concorde avec Ibn Kathir rahimahullah. Et maintenant on revient à un truc, hein, pour que la situation ne soit claire. Que Cheikh Rabih hafidhahullah ta'ala a mis en bas de la page ici. Hein, concernant le fait que l'imam Bukhari rahimahullah a mis un hadith de Imran ibn Hittan Sukhariji dans son authentique. L'Hafid, il dit concernant la biographie de Imran, comme le rapporte ici Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, l'imam Bukhari n'a rapporté qu'un seul hadith de Imran. Et ce hadith, il est de la version de Yahya ibn Abi Kathir, qui le rapporte de Imran. Et il a ramené le hadith dans le fait, hein, concernant le fait d'interdire, le fait de, hein, de s'habiller avec la soie pour les hommes. Et ce hadith, il est rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Et Hafid ibn Hajar, il a dit, l'imam Bukhari, rahimahullah, il a sorti ce hadith par le suivi des voies. Parce que ce hadith, il vient d'autres voies, à part celle de Imran ibn Hittan. Hein? Et après, il a dit, Hafid ibn Hajar a dit, et j'ai vu certains imams prétendre que le Bukhari a sorti ce hadith parce que c'est un hadith rapporté de Imran ibn Hittan avant qu'il ait l'opinion des Khawarij. Mais le Hafid ibn Hajar a refuté ça. Et il a dit que Abba Zakaria al-Mousili a rapporté dans l'histoire de Mousil de d'autres que Imran. Hada, il est revenu vers la fin de sa vie, vers, hein, il est revenu de la voie des Khawarij, etc. Et toujours les paroles, hein? Al-Hafidh ibn Hajar, il dit, donc, ce n'est pas loin que l'imam Bukhari, quand il a rapporté ce hadith de Imran ibn Hattan, c'est parce qu'il croyait que Imran ibn Hattan s'est repenté de la voie des Khawarij. Regarde ici ce que nous rapporte, hein, l'imam Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Que ça, c'est une excuse de ces grands imams pour l'imam Bukhari du fait qu'il a sorti ce hadith de Imran ibn Hattan. Sinon, Ibn Kathir, t'as vu sa parole, ce qu'il a dit. Hein? Et ça, c'est le bienfaire, la façon, la bonne façon des hommes de science entre eux, comment ils portaient les choses sur les meilleures des situations, quand ils connaissent que l'homme de la sunna, que c'est un homme de la sunna, un défendeur de la sunna, et ainsi de suite. Hein? Et ça, c'est la noblesse des hommes de science, et le respect qui est dû aux hommes de science entre eux, et que nous devons nous aussi avoir vis-à-vis de nos emblèmes de la science, à l'islam. يقول الشيخ ربيع فهذه مواقف وأحكام أئمة السنة ولا تجد من السلف والسلفيين حقا من السابقين واللاحقين من اعترض ويعارض هذه المواقف وهذه الأحكام. الشيخ ربيع de nous dire dans ce qu'il a cité ici dans les positions des salaf, il dit ça, ce sont les sentences et les jugements des imams de la sunna ainsi que leurs positions. Il dit, tu ne trouveras pas parmi salaf et les salafis véridiquement parmi les premiers et ceux qui les ont précédés quelqu'un qui va s'opposer à ces sentences et à ces positions. يقول فعلى من يدافع عن هذه الأصناف ويعتبر من أهل السنة أن يسلك سبيل المؤمنين ويتقي الله في الدعوة السلفية وأهلها نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق وإلى اتباع سبيل المؤمنين. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ ربيع. Il appartient maintenant à ceux qui défendent cette catégorie qui défend les gens de l'innovation et qui les considèrent comme des gens de la sunna, cette catégorie là doit prendre la voie des croyants. Il doit préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala et préserver les droits des salafia et les gens de la salafia. Et il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers, de les guider vers la vérité et vers le fait de suivre la voie des croyants. En Allah Azza wa Jal, au résumé de ce paragraphe, tu vois bien que Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous montre et attire notre attention sur ce qui se passe sur le terrain. Qui est le fait de considérer celui qui ne fait pas partie des hommes de science comme homme de science. Et que l'homme de science, véridiquement, on l'estime pas, on lui donne pas sa valeur. Comme l'a montré que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que le hadith des années traîtres, hein, s'applique à ce genre de personnes qui font l'éloge aux gens du faux et qui instaurent des règles pour défendre le faux et les gens du faux. Et qui, hein, dénigrent les gens de la sunna et qui décrivent les gens de la sunna comme quoi ce sont des extrémistes et des marginaux et, hein, des gens qui dépassent leurs limites. Et il nous a cité deux positions de deux grands imams de la sunna, comment ils étaient vis-à-vis des innovateurs, et que ces défendeurs des gens de l'innovation ont renversé la situation. Aussi dans ce passage, Cheikh Rabi Hafidhahullah nous a éclairé sur le fait, sur la sentence de Cheikh l'Islam concernant celui qui défend les gens de l'unicité de l'existence. ou qui fait leurs éloges, ou qui leur cherche des excuses. Et il nous a éclairé sur la situation de beaucoup qui font partie des gens de la Sunna aujourd'hui et qui sont sur cette voie, qui se disent appartenir à la Sunna aujourd'hui et qui sont sur cette voie qu'oublam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Ils sont ces gens-là dont parle Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala défendent les gens de l'innovation. Quand tu l'as entendu, et il nous a montré, Hafidhahullah, avec les paroles d'Ibn Kathir, comment celui qui fait les éloges des gens de l'innovation qu'il fait partie d'eux. Comme il nous a rapporté aussi la parole du grand imam Ibn Baz, rahmatullah alayh, concernant celui qui fait les éloges des gens de l'innovation, qui c'est un da'i pour eux, donc il prend les mêmes sentences qu'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance. يقول الشيخ ربيع في الصفحة قال الدكتور إبراهيم في الصفحة 39 أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم هؤلاء مبتدعة ضلال ينبغي مجاهدتهم بتنبيه الناس على سوء طريقتهم وانحرافهم عن السنة والرد على شبهاتهم ويعاملون معاملة أهل البدع في سائر الأحوال وهذا لا يمنع من دعوتهم للحق ومجادلتهم بالتي هي أحسن من قبل العلماء إن كان هذا مؤثرا في رجوعهم للسنة. Et à la page 39, docteur Ibrahim Ruhaili a dit, dixièmement, les gens de la vie de toujours les paroles à docteur Ibrahim Ruhaili ici, les gens de l'innovation qui sont en divergence avec l'aqida des gens de la sunna, de leur voix, dans leur façon d'utiliser les preuves, dans leur façon d'enseigner, dans leur façon de faire dawa, et qui ont suivi les passions, et qui n'ont pas pris comme modèle les hommes de science de la sunna, et qui dénigrent les hommes de la sunna, et qui font des allusions sur les hommes de la sunna, et qui se considèrent plus grands que les gens de la sunna, que les hommes de science de la sunna, ceux-là, dit Cheikh Ibrahim Ruhaili, ce sont des innovateurs égarés, il faut les combattre, en attirant l'attention des gens sur leur le faux de leur voix et sur leur déviance de la sunna et en répliquant à leurs ambiguïtés. Ils doivent être, on doit agir avec eux comme on agit avec les gens de l'innovation de toutes les situations. Il dit ça n'empêche pas qu'il faut leur faire la da'wa, de les appeler vers l'haq et de polémiquer avec eux et de débattre avec eux de la meilleure des façons. Et ceci doit se faire de la part des hommes de science s'ils ont un poids sur eux, s'ils vont les influencer, s'ils vont être s'ils vont avoir de l'influence sur eux pour revenir à la sunna. Yaqul, wal kalam la jala li Cheikh Ibrahim al-Ruhaili, wa yanbaghi al-hadar min al-khalt bayna ulama'i al-sunna wa ma yanbaghi an yu'amalu bihi hatta ma'a wujud al-khata' min hifdh maqamihim wa ma'rifati qadrihim 'ala ma taqaddama bayanuhu wa bayna ulama'i al-batil alladhina yajibu muqata'atuhum wa muhajaratuhum الذين يجب مقاطعتهم ومهاجرتهم والتحذير منهم وذلك أن خطأ علماء السنة كان عن اجتهاد في طلب الحق مع سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال وخطأ للبدع ناتج عن هوى وانحلاف وعدم سلوك الطريق الصحيح في الاستدلال فشتان ما بين الحالين et toujours les paroles à Dr Ruhaili, dans ce passage qui va être analysé par Cheikh Rabbi Hafidhahullah Ta'ala, il dit, il faut faire très attention, il est obligatoire de faire très attention, de ne pas mélanger entre les hommes de science de la sunna, et comment il faut se comporter avec les gens de la sunna, quand ils ont une erreur. Il faut préserver leur situation, reconnaître leurs honneurs et leur estime et ainsi de suite, comme il a été éclairé au passage auparavant. Et aussi, il faut faire la différence entre eux et les hommes de science des gens de l'innovation. Ceux-là, il faut les délaisser, il faut s'occuper d'eux, il faut s'en éloigner, se couper d'eux, et il faut avertir contre eux, car les erreurs, l'erreur de l'homme de la sunna Il arrive par effort d'interprétation, parce que l'homme de la sunna, il cherche la vérité en prenant la voie authentique dans l'utilisation des preuves. Mais il dit, mais l'erreur des gens de l'innovation, il arrive par les passions, par les déviances, et ils ne prennent pas la voie saine et la voie authentique pour utiliser les preuves. Il dit, il y a une grande différence entre les deux situations. يقول الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي وهذا المقام هو فرقان ما بين أهل السنة والبدعة وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدعة في مسائل جزئية من أقوالهم اللي حفظه الله تعالى الشيخ إبراهيم الرحيلي كالله سبحانه وتعالى لغيونت فيغ لفوة دون بيو بخديسيسور كالله سبحانه وتعالى فاس كيل غوفيان كيل بخيل لكونسي دو الشيخ ربي حفظه الله تعالى دوثر il dit dans cette situation il y a une grande différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation et ceci apparaît à celui qui est doué de raison quand il voit comment les imams de la sunna n'ont pas rendu innovateur certains hommes de science de la sunna qui ont concordé dans certaines de leurs positions avec les gens de l'innovation dans des situation particulière dans un sujet ou dans une parcelle d'un sujet dans leurs paroles. Et maintenant vers les paroles du Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. يقول الشيخ ربيع أقول إنه لا يفهم من قول الدكتور إبراهيم أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال والتعليم والتدريس والدعوة إلى الله واتبعوا الأهواء ولم يتأسوا بعلماء أهل السنة بل يتنقصونهم ويغمزونهم ويتفضلون عليهم هؤلاء مبتدعة ضلال يفهم من هذا التعريف الطويل الذي قرره هنا صفحة 39 وأكد هذا التقرير في فهرس الموضوعات صفحة 48 حيث نقل له بنصه وفصه أن الرجل أو الجماعة لا يحكم عليه أو عليهم بالبدعة والضلال إلا إذا اجتمعت فيه أو فيهم كل هذه الأمور وهذا تعريف وتقرير عجيب مخالف لأصول ومنهجها للسنة والجماعة وأحكامهم يكوت بيان فخيرنا الله عز وجل الشيخ ربيع دودير جودي On comprend de la parole du docteur Ibrahim Rahili quand il a dit que les gens de l'innovation qui sont tombés dans une divergence avec les gens de la sunna, dans leur voix, dans leur façon d'utiliser les preuves, dans leur enseignement, dans leur da'wa ila Allah, ils ont suivi et qui ont suivi leur passion et qui n'ont pas pris comme modèle les hommes de science de la sunna et dénigrant aussi les hommes de science de la sunna et faisant des allusions sur eux et les dénigrant, ceux-là ce sont des innovateurs égaré. Cheikh Rabi de dire, on comprend de cette longue définition qu'a confirmé ici Cheikh Dr Ibrahim Rahili à la page 39 et qu'il a reconfirmé aussi dans la table des matières à la page 48 en transcrivant tout le paragraphe dans le sommaire et donc on comprend que l'homme ou le groupe, on ne peut pas décréter qu'ils sont de l'innovation ou de l'erreur, sauf si tout ceci est réuni en eux. Tout ceci est réuni dans le groupe, ou là tout ceci est réuni dans l'individu. Et Cheikh Rabi' de dire, ça c'est une définition, une confirmation qui est étonnante, et qui est de surcroît en divergence avec les fondements. Et la voix des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna et qui est en divergence avec les sentences des gens de la sunna. فيقول الشيخ ربيع ألف فالخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرا منهم ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبائر من الذنوب واحدة. Et Cheikh de nous donner des exemples. Il dit le Khawarij, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a blâmé, et il a ordonné de les combattre. Et les nobles compagnons ont combattu le Khawarij, ils ont tué beaucoup parmi le Khawarij. Ils avaient tout simplement une seule innovation qui est le fait de rendre mécréant avec le Hakimiya, avec le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah. Et avec le fait de rendre innovateur, de rendre mécréant ceux parmi les musulmans qui tombent dans le péché capitaux. C'est tout. Voici une. Yaqul. فليس عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا تعطيل في الأسماء والصفات وعلى امتداد الزمن صار عند أخلافهم عقائد الجهمية والمعتزلة بل يوجد عند كثير منهم الشرك في القبور. Il dit et pourtant, le Khawarij, il n'avait ni l'associationnisme dans la souveraineté, dans le Rububiya, ni dans l'unicité de l'adoration, ni dans le fait de dépouiller les noms et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala dans leur sens, de leur sens. Et à travers le temps, à travers l'histoire musulmane, à travers, plus le temps il avance, certains successeurs d'El Khawarij ont eu les croyances des Jahmites et des Mu'tazilites. Il se trouve parmi les Khawarij beaucoup qui ont l'associationnisme des tombes à l'islam. Et bas, les salafs ne sont pas retournés à l'étabdi' j'tima'a s'ifat l'ati salada le docteur Ibrahim. Fahum yubaddi'oun bal yukaffirouna bi mufradatin wahida min mufradat al-aqaid. Faqad kaffaru ghulat al-qadariya bidalalihim fi aqidat al-qadar wa nafihim li'ilmi Allah s'abiq bima s'a'lamuhu s'a'maluhu l'ibad wa anna l'amra unuf. Et Cheikh Rabi' d'attirer notre attention, il dit B, salaf n'imitez pas toutes ces conditions pour rendre innovateur quelqu'un. Il dit, les salafs n'attendaient pas que toutes ces conditions citées par Cheikh Ibrahim Ruhailisi, qu'ils soient réunis dans un innovateur ou dans un groupe pour qu'ils décrètent son innovation. Salaf rendait innovateur ou rendait mécréant avec un point, avec une divergence, avec un seul point des croyances. Ils ont rendu mécréant les extrémistes des qadaristes, avec leur égarement dans les croyances du destin, parce qu'ils ont nié que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala sait à ce que font les serviteurs avant que les serviteurs ne le fassent. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas. Il le sait une fois que les serviteurs l'accomplissent. A'oudou billah. Ils les ont rendus mécréants pour celle-ci. يقول وأول من كفرهم بهذا المعتقد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأعلن براءته منهم وأنهم منه براء. وقال لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقال نحوه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه. Et le premier qui a rendu le qadariya mécréant avec cette croyance, c'est Abdullah ibn Omar رضي الله عنه وارضاه. Et il a déclaré haut et fort son innocence, comme quoi il est innocent d'eux et qu'eux aussi sont innocents de lui. Il les a désavoués. Et il a dit, dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, si quelqu'un parmi eux venait à dépenser la montagne de Houd en or, il ne sera pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie en le destin. Et le noble compagnon Ubad ibn Samit a dit la même chose. يقول ولما غير القدرية المتأخرون عقيدتهم في نفي العلم وأنكروا تعلق المشيئة بأفعال العباد اختلف العلماء فيهم فمنهم من يكفرهم ومنهم من يبدعهم. Et quand les qadarites, les derniers des qadarites ont changé leur croyance dans le fait de ne pas reconnaître le savoir à Allah subhanahu wa ta'ala concernant les œuvres de ces créatures, et ils ont rejeté après la machia dans les actes des serviteurs, les hommes de science ont été en divergence sur eux. Il y a certains qui les ont rendus mécréants et d'autres qui les ont rendus innovateurs. يقول ولما قال المعتزلة في مرتكب الكبائر بأنهم في منزلة بين المنزلتين لا كفار ولا مؤمنون بدعهم العلماء وسموهم بالمعتزلة. Et quand les Mu'tazila ont dit concernant celui qui est tombé dans le péché capital qu'il est dans une entre deux situations, ni avec les mécréants, ni avec les croyants. Les hommes de science, ont décrété leur innovation, ils ont dit qu'ils sont des innovateurs. Ils les ont appelés le Mu'tazila. ولما من قال من أهل الأهواء إن القرآن مخلوق وليس بكلام الله كفرهم علماء السنة. Et contre ceux qui ont dit parmi les gens de l'innovation et qui suivent leur passion que le Coran est une créature et que c'est pas la parole d'Allah, les hommes de la sunna, les hommes de science de la sunna, les ont rendus mécréants. Walamma qala man qala min ahli sunna al-Quran kalamullah lakin lafdhi bihi makhluq badda'u ma al-sunna. Et compte parmi les gens de la sunna, certains ont dit le Coran c'est la parole d'Allah, mais mon expression avec le Coran il est créé, les gens de la sunna les ont rendus innovateurs. Regarde. ولما ظل المرجئة في تعريف الإيمان فقالوا إن العمل ليس من الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص بدعوا ما للسنة. Et quand les murji'as se sont égarés au niveau de la définition de la foi, ils ont dit que les œuvres ne font pas partie de la foi et que la foi n'augmente pas et ne diminue pas, les gens de la sunna les ont rendus innovateurs. ولما قال بعضهم في تعريف الإيمان الإيمان المعرفة بالقلب بالقلب كفروهم ووصفوهم بأنهم غلاة الجهمية يكون certains parmi eux on dit dans la définition de la foi que l'iman c'est tout simplement la connaissance du cœur. Les hommes de la sunna les ont rendus mécréants et les ont décrits comme quoi ce sont les extrémistes de l'jamia. يقول وقوله وفي هذا المقام هو وهذا المقام هو فرقان بين أهل ما بين أهل السنة وأهل البدعة وبهذا يتبين للحاذق السبب في عدم تبديع الأئمة لبعض علماء أهل السنة الذين وافقوا بعض أهل البدع في مسائل جزئية من أقوالهم أقول لقد بدع السلف عددا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم لفظي بالقرآن مخلوق مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله ومخالفتهم لأهل البدع بأن القرآن مخلوق وهذه المسألة إنما هي جزئية كما ترى. الشيخ ربيع دو دير مي كونت شيخ إبراهيم الرحيلي إلى دي cette situation c'est la séparation entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Il dit avec ça il apparaît clairement à celui qui est doué de raison que la cause pourquoi les imams n'ont pas rendu innovateur certain nombre de sciences de la sunna parce qu'ils ont concordé avec certains gens de l'innovation dans une parcelle d'un sujet, dans leurs paroles. Cheikh Rabi' lui dit non, Salaf ont rendu innovateurs beaucoup de grands hommes de la Sunna à cause de tout simplement, parce qu'ils ont dit tout simplement, mon expression avec le Coran et les créés. Alors que ces gens-là étaient en concordance avec les gens de la Sunna sur le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils étaient en divergence avec, les gens de l'innovation qui disaient que le Coran est l'imkhlouq. Ils disaient que le Coran, c'est la parole d'Allah, mais mon expression, quand je le lis, mon expression, c'est une créature. Il est créé. Et tu vois que Cheikh Rabi, il dit ça, c'est un sujet. Une partie d'un sujet. Mais tu vois que les hommes de science, nos pieux prédécesseurs, les ont rendus innovateurs malgré tout ça. يقول ثم ختم الدكتور إبراهيم هذه النصيحة بوصايا جيدة أسأل الله أن يوفقه للقيام بها على أكمل الوجوه وأن يوفقه للموقف الصحيح مما تضمنته نصيحته من الأخطاء العلمية. الشيخ ربيع دودير يا لفا الدكتور إبراهيم الرحايلي a fait une conclusion dans sa nasiha en imitant des nobles conseils, des conseils qui sont très bien. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'accomplisse, accomplir ses conseils de la meilleure des façons. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accomplisse à prendre la position authentique de ce qui est, de prendre une position authentique vis-à-vis, des conseils prodigués dans cette risala concernant, ces erreurs scientifiques. Donc, tu vois qu'à la fin, Cheikh Rabi, il lui fait dua. Et il oriente aussi Cheikh de mettre en application les conseils que Cheikh Rabi, que Cheikh Ibrahim al-Ruhayli a émis lui-même dans la fin de sa nasiha. Et tu vois qu'à l'islam, il faut que, ici dans ce passage, ce dernier passage du Sitri Salah, Cheikh Rabi nous montre que la confirmation du docteur Ibrahim al-Ruhayli que tous ces attributs, toutes ces descriptions doivent être dans un groupe ou dans un nom pour qu'il soit décrété comme quoi il est innovateur, c'est une confirmation qui est étonnante et qui est étrange et qui est en divergence avec la voie du pieux prédécesseur d'Allah Ali. Et tu vois que Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous a montré comme quoi le Khawarij, duquel nous a averti le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam et a ordonné de les combattre, n'avait né l'associationnisme dont la seigneurie n'est dans l'unicité de l'adoration ni dans les noms et les attributs. Ils avaient tout simplement le problème du takfir dans le hakimiyya et dans les péchés capitaux. Les salafs n'ont jamais aimé les conditions comme quoi que toutes ces choses doivent être unies dans quelqu'un ou dans un groupe pour que soit décrété son innovation et pour qu'il soit décrit comme innovateur, comme le cite Dr Brahim Rouhaili, ou comme il est compris dans ce qu'a cité Dr Brahim Rouhaili, sur lequel attire notre attention Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Cheikh Rabi nous a montré que Salaf ont rendu innovateur un certain nombre de sciences qui étaient des grands hommes de sciences à cause tout simplement d'une partie, hein, d'une partie, hein, où au moment où il disait ma le Coran, c'est la parole d'Allah, mais mon expression avec le Coran, il est créé. Ils les ont rendus innovateurs avec ça. Et je te rappelle, frère, en Allah Azza wa Jal, tu dois savoir, barakallahu fik, on l'a déjà cité dans les cours de Cheikh Abdallah al-Bukhari, les fruits de la réplique, je te le recite encore. Hein, c'est pas parce qu'il y a une réplique qu'il y a déjà, hein, un degré d'innovation. Abadan akhal islam. Hein, la réplique n'implique pas tout de suite, ou n'implique pas directement, hein, le verdict de l'innovation. Il faut bien le comprendre. Et comme il a dit Cheikh Ubayd et Cheikh Al-Mashayikh aussi, ils ont dit, hein, que à quel moment ça a, la réplique va se tourner comme degré d'innovation, au moment où la personne qui reçoit la réplique et qui, hein, sur ses erreurs, il fait l'alliance, il désaveu sur ses erreurs. À ce moment-là, ça devient de la hizbiya parce qu'il s'unisse pour ses erreurs et il se sépare pour ses erreurs. Si tu es d'accord avec lui sur ses erreurs, tu es le bienvenu. Si tu n'es pas d'accord, hein, tu n'es pas le bienvenu. Dans ces cas-là, il est décrété l'innovation. Mais avant Akhal Islam. Donc il ne faut pas tout de suite confondre. Il ne faut pas tout de suite propager ce que les insensés racontent. Abadan Akhal Islam. Dans ça, dans le fait de décréter qu'un homme de science est tombé dans l'innovation, on attend. Nous savons Akhal Islam. On est derrière eux. On ne se précipite pas. On ne court pas vers le fait de dire non, c'est un innovateur, kada kada, parce que tel il lui a répliqué. Abadan Akhal Islam. Abadan. Il faut que ça s'ancre dans notre esprit. Hein? فكالله سبحانه وتعالى نبرزاف وكالله سبحانه وتعالى نفاس بروفيتي دو سكو نو زافون اونتوندو وكالله سبحانه وتعالى نو دون لا سيونس دو نوتر ريليجيون وكي فاس كو نو زوكيبيون توس دو نو زوبليغاسيون وكو نو زاكيتيون توس دو نو زوبليغاسيون ا تو لي نيفو اخر الاسلام وكو نو سويون دي دين كونساي بور نو فرير اي بور نو سور ا تو لي نيفو كالله سبحانه وتعالى ريكومبونس شيخ ربيع بور سيت نوبل كريتيك اي بور سيت نوبل اناليز اي بور سي نوبل كونساي كي لا prodigué à l'un de ses fils qui est Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala oriente Cheikh Ibrahim al-Ruhayli vers le bien, et qu'il le ramène vers le bien, et qu'il ouvre son cœur à la nasiha des mashayikh, et qu'il l'oriente vers le bien. Il est très dur pour nous de savoir que quelqu'un il a dévié, ou quelqu'un il est tombé dans des énormes erreurs, etc. à l'islam. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous protège tous et fasse que nous soyons dignes de notre religion, de la voix de nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie du Cheikh Rabih et des autres mashayikh tous, hein, que ce soit Cheikh Abdel Mouhsin Al-Abbad, ou Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Ubayd, Cheikh Zayed et les autres, ou Yaman et partout, qu'il allonge leur vie dans son obéissance et dans la défense de cette religion et dans l'éclaircissement de cette voie, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui respectent leur voix et leurs opinions. Inna huwa liyudalika wal qadiru alayhi wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله خير.